Deuxième jour en tout cas sur Tatoujus, 19e du nom, le rendez-vous de la transition écologique avec Radio Dio 89.5 et Radio Ondaine 90.9 sur nos bandes et FM respectives, nos radios associatives Loire-Sud, toujours partenaires depuis de longues éditions maintenant de ce Tatoujus. Et deuxième journée ici au Parc Expo qui vient d'ouvrir ses portes pour accueillir le public, nombreux à sillonner à nouveau les allées de ce Tatoujus. Décliné en différents pôles, on le disait, de la vie quotidienne, que ce soit la mobilité, que ce soit l'alimentation, le travail. Et c'est précisément dans le secteur et pôle de l'alimentation que nous nous sommes arrêtés tout à l'heure pour aller à la rencontre d'un de ses exposants, exposantes, en l'occurrence Julie, qui nous a rejoint ici au plateau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur nos radios, bienvenue ici à Saint-Étienne. Pour ce Tatoujus, est-ce que c'est votre première édition d'ailleurs en tant qu'exposant-exposante ici? Oui, c'est notre première édition car nous sommes une jeune activité. Oui, une activité via les 400 graines voilà. Que vous représentez. Une mauvaise graine, comme on l'arbore ici, ou une bonne peut-être graine? Peut-être 4 mauvaises graines. 400 mauvaises graines? Bah, nous sommes 4, en tout cas. 4, ok. Une première, alors juste comme ça, petit ressenti aussi pour cette première édition en ce qui vous concerne et installation ici sur un salon comme celui-ci. C'est chose habituelle pour vous que d'être présente via des événements ou c'est une activité finalement qui est peu présente au sein des 400 graines? Bah, si on essaye, alors on a plutôt l'habitude de faire des dégustations dans des épiceries ou des magasins bio dans lesquels on vend notre tofu, parce que donc on fabrique du tofu. Mais là, c'est notre premier aussi gros salon, on veut dire. On a fait le salon à Pélussin en septembre, voilà. Et donc là, c'est la première fois qu'on est sur un salon aussi gros, parce qu'on voilà, de toute façon, ça fait qu'un an qu'on existe. Ouais. D'accord, une année d'activité pour les 400 graines basée dans le parc du Pilat. Vous êtes à Annonay, voilà. En Ardèche, donc c'est quoi, Villeporte? Oui, de toute façon, je crois qu'Annonay va bientôt faire partie du Pilat, apparemment. Donc on peut dire qu'on est dans le Pilat. Oui, il y a une extension peut-être bien dans la nouvelle géographie, en tout cas à venir pour le PNR. En tout cas, vous êtes basé à Annonay, donc département voisin, limitrophe. Une année d'activité, alors simplement, comment avez-vous lancé cette activité de fabrication de tofu ici, localement? Oui, bah, on est 4 amis qui se sont retrouvés autour d'une envie commune, celle de fabriquer du tofu local, artisanal et bio. Voilà, on est 4 amis végétariens et qui consommions du tofu. On avait bien envie de faire notre propre tofu parce qu'on s'est rendu compte que c'était possible grâce à un ami à nous qui était dans le Trièves, enfin qui est toujours dans le Trièves et qui est paysan, qui produit son propre soja et qui fait du tofu depuis des années. En allant lui rendre visite et en voyant un peu son installation, ça nous a donné envie de faire pareil. Voilà, donc on a pu acquérir une vieille usine de laine à Annonay qu'on a en partie rénovée. Donc on a fait 2 ans et demi de travaux dans cette usine pour construire sur une partie de l'usine seulement un labo aux normes voilà, de production et d'hygiène. Et donc on a commencé il y a un an finalement notre production de tofu. Alors on va préciser dans quelques instants ce qu'est quand même plus précisément le tofu, mais juste auparavant, quel est peut-être votre statut, structuration, parcours? On ne devient pas, j'imagine, fabricant de tofu comme ça. Comment êtes-vous arrivé à cette activité, à en avoir ces compétences justement? Et concernant votre structure, vous êtes 4, tu le disais. Oui. Vous êtes en association, en SCOP. On s'est monté en SAS. On voulait se monter en SCOP, mais je ne sais pas si on a été assez bien conseillé ou pas. Mais en tout cas, apparemment, ça n'avait pas l'air d'être possible au départ. Par l'URSCOP. Alors, on n'a pas été conseillé par l'URSCOP, on ne s'est pas rapproché d'eux, on était avec... Je dis ça parce qu'on a fait une table ronde sur ce sujet hier des SCOP. Oui, on a vu, mais on n'a pas pu y participer ou écouter malheureusement. Ça nous aurait sûrement aidé parce qu'on est un peu dans le flou sur ce sujet. En tout cas, notre fonctionnement, il est celui d'une SCOP dans le sens où nous, on voulait une entreprise qui ne soit pas... hiérarchique, il y a une égalité des salaires quand il y en aura, parce que pour le moment il n'y en a pas de salaire. Vous n'arrivez pas à vous tirer du revenu? Non, ça fait un an qu'on a démarré, c'est tout jeune, voilà, donc on commence, on démarre tout juste. Et donc, c'est une SAS du coup, 4 associés à part égale, voilà, nous sommes 2 femmes, 2 hommes. Ça c'est pour la forme, mais ouais. Le statut dans vos parcours, quels sont-ils? Alors on a 4 parcours vraiment différents. En tout cas, on s'est retrouvés à Annonay. Chacun, chacune, on venait un peu d'horizons assez différentes. pas du tout dans ce secteur de l'alimentation ou du tofu ou quoi que ce soit. Et on s'est un peu formé sur le tas, quoi. Et on est surtout allé rendre visite à des gens qui faisaient déjà du tofu artisanal en France, parce qu'il y a déjà quelques entreprises un peu partout en France et en Suisse aussi, à Genève, Lausanne. Et du coup, on est allé rendre visite, on s'est fait des amis comme ça, et on a pu apprendre en rendant visite à ces personnes. Et voilà, on a appris un peu sur le tas pour faire après nos propres recettes avec notre propre matériel et notre propre labo qu'on avait construit un peu sur mesure pour nous et nos envies. Voilà. Alors, on va revenir justement sur ce qu'est le tofu, parce que chose peut-être méconnue. Vous êtes végétarien, vous l'avez dit. Le tofu, c'est un apport protéinique important qui peut se substituer à ce que l'on connaît, c'est-à-dire davantage d'aliments d'origine animale. Alors, explique-nous ce qu'est le tofu, précisément. Le tofu... Et ses qualités. Et ses qualités, tout à fait. Le tofu, c'est une sorte de fromage de lait de soja, on va dire, dans le procédé de fabrication, en tout cas, parce qu'on part de la graine de soja qu'on fait tremper, qu'ensuite on mixe, dont on tire aussi le lait de soja. Bon, en France, on n'a pas le droit de dire lait de soja, parce que le lait est une marque pour le lait animal, donc on dit plutôt jus de soja. Ce jus de soja, on le fait cailler avec une sorte de présure, c'est pour ça qu'on parle de fromage, mais c'est une présure végétale. On utilise, nous, du chlorure de magnésium ou du sulfate de calcium. Bon, voilà, c'est une présure minérale en toute petite quantité. Et après, ça caille. Et ce caillé, on le presse, on le moule. Et voilà, ça fait du tofu. Ça fait donc penser un peu à de la faisselle. C'est pour ça qu'on le présente un peu comme un fromage. Voilà. C'est un aliment très, très intéressant nutritivement, en effet. Pour les personnes qui veulent diminuer ou arrêter la viande, parce que le soja, c'est la légumineuse qui contient le plus de protéines végétales. Voilà, il y a à peu près 15 grammes pour 100 grammes. Donc, c'est vraiment très intéressant en termes d'apport protéinique. Mais aussi, il y a plein de vitamines. C'est très pauvre en matière grasse, de minéraux. C'est assez bon pour la santé, consommer dans une alimentation équilibrée, quoi. Voilà. Et qui peut se prêter à mille et une recettes. Oui, alors le tofu, donc de base, il y a beaucoup de gens qui disent que le tofu, c'est pas bon, parce que le tofu, c'est pas salé, en fait. C'est vraiment une matière brute un peu à cuisiner. C'est un nouvel aliment, en fait, à intégrer dans tout un tas de recettes où on cuisine habituellement de la viande. Ça peut être ajouté, en fait, aussi à la viande. Dans beaucoup de pays d'Asie, en fait, il y a des plats avec de la viande et du tofu. Qu'est-ce que je me suis... C'est pour ça qu'on le trouve, parce qu'on parlait de la façon de le cuisiner. Oui. Et qu'on le retrouve aussi souvent, là, sous des formes différentes, avec quelques... Je ne sais pas si c'est épicé ou avec quelques... Oui, voilà, c'est que le tofu, du coup, qui sort de notre presse, c'est un tofu brut, que nous, on appelle donc tofu nature, qui n'est pas salé. Et c'est un tofu, après, qu'il faut cuisiner. Donc, alors, souvent, on le fait mariner, par exemple. Parce que le tofu, c'est un produit qui est beaucoup constitué d'eau aussi, donc de soja, de coagulant minéral et d'eau. Et du coup, il va se gorger de toutes les sauces, de toutes les épices, les condiments qu'on va mettre dans ces sauces. Donc, voilà, on peut faire mariner la veille, on peut faire mariner 2 heures avant. On peut même mettre sur le moment dans la poêle avec un peu de sauce soja. C'est vrai que c'est un aliment qui est assez intéressant associé avec le tofu. C'est une bonne façon de le saler, on va dire. Et d'ailleurs, nous, on a proposé aussi 2 autres tofu, parce qu'après, on peut jouer avec cet ingrédient. Nous, on a décidé aussi de le faire fumer. Bon, c'est pas notre idée, y a beaucoup de gens qui font du tofu fumé. Et on a aussi un 3e tofu qu'on propose, justement, qui est salé pour les personnes qui veulent un peu découvrir le tofu et qui savent pas trop comment le cuisiner, etc. Du coup, on propose aussi un tofu qu'on fait mariner toute une nuit dans la sauce tamari et qu'après, on fait fumer. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment... On l'utilise sous tout un tas de recettes différentes. C'est aussi, en fait, un produit qu'on peut écraser, émietter, coupé en tranches, en cubes, comme on veut. Donc, on peut faire plein de choses, des tartinades, des formats bolognaises. Voilà. Plein de possibles avec le tofu. Alors, moi, je me pose la question dans votre activité, comment vous fonctionnez dans aussi peut-être les partenariats ou les filières, les fournisseurs. Donc, c'est le soja essentiellement qui est utilisé comme céréale à la base de fabrication. Vous travaillez avec des producteurs locaux, parce qu'on connaît aussi la problématique du soja aussi aujourd'hui, très importé, sous des formes pas toujours très recommandable, je dirais, entre guillemets, en tout cas souvent soja transgénique qui vient en provenance D'Amérique du Sud notamment. Hein. Oui. Voilà, comment vous travaillez aussi sur l'amont de la chaîne, je dirais. Oui, ben nous, bien sûr, il n'était pas question de travailler avec du soja importé. De toute façon, le soja importé d'Amérique du Sud, c'est exclusivement du soja pour l'industrie de la viande, en fait, en Europe, pour faire... Pour nourrir le bétail. Voilà, exactement. Le soja pour la consommation humaine, il est produit localement. En Europe, il y a énormément de soja qui pousse. Ça pousse très, très bien à différentes altitudes, dans sous différents climats. En Allemagne, ça fait très longtemps, par exemple, qu'il y a beaucoup de soja dans différentes régions d'Allemagne. En France, bah voilà, je vous parlais de notre ami dans le Trièves, qui est quand même une région d'altitude qui cultive du soja, en Suisse aussi. Et du coup, nous, notre soja, eh ben, il vient de la Drôme, voilà, pour le moment. Après, on aimerait bien avoir des producteurs de soja même encore plus proches d'Annonay, ça serait top, mais on n'a pas encore trouvé. Peut-être vous, en extension d'activité sur la ferme, être vous-même non, en nous, culture. On n'a pas de terrain autour de l'usine. C'est vraiment une usine sans terrain. Et on n'a pas envie de se lancer dans l'agriculture. Nous, on veut rester transformateur, parce qu'en plus, après, on aimerait bien développer une partie glace et sorbet. Voilà, gros projet. Mais non, on cherche plutôt à s'associer avec des cultivateurs, cultivatrices de soja bio dans la région. Dans la région. En tout cas, pour l'instant, c'est la Drôme, c'est pas très loin, département voisin, et c'est du soja bio, pour le coup. Oui, c'est du soja bio. Donc un tofu bio. Eh oui. Que vous produisez. Se poser la question, parce que dans vos parcours, tu le disais, vous avez formé un peu sur le tas. Vous avez un labo, comme tu le disais, donc un espace de transformation. Vu que c'est une activité un peu méconnue, dans ce milieu de l'alimentation, parfois très réglementée, etc., est-ce que vous y retrouvez facilement ? Est-ce que c'est au contraire un obstacle que de mener une activité comme celle-ci, pas forcément très connue en termes de reconnaissance à la fois professionnelle, en termes sanitaires et autres points comme ça qui pourraient compliquer parfois les trajectoires. Oui, bah, c'est sûr que la production de protéines végétales, c'est un peu encore un lieu méconnu, on va dire, dans la réglementation française sur l'hygiène, etc. En tout cas, nous, on s'est déclaré auprès de la DG, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ils nous ont dit bien reçu. Direction générale, voilà, de l'hygiène. Et c'est sûr que pour le moment, ils savent pas trop dans quelle case ranger ça. Je ne sais plus du coup si on est dans la case des produits végétaux ou des fromages, par exemple. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de nouvelles de leur part. Voilà. Mais c'est sûr que c'est un produit frais. Donc, il y a une chaîne du froid à respecter. Que nous, on fait gaffe à ça. Quoi. Il faut qu'il soit toujours entre 0 et 6 degrés quoi, au frigo. Surtout pour le tofu nature, qui a une DLC relativement courte. Parce que nous, on a choisi de ne pas pasteuriser aussi nos produits pour conserver toute leur qualité. Du coup, le tofu nature, il est de 15 jours. Voilà, au frigo, c'est vraiment à consommer. C'est un produit frais. Voilà. D'accord. Alors, vous transformez et puis donc vous distribuez. Oui. Là, comment ça se passe aussi sur ce pendant-là ? Bah nous, on distribue dans différentes structures. Alors, on a la partie magasin, épicerie. On est donc dans pas mal de biocoop. On vend pas mal sur Lyon. On est bien sûr à la biocoop d'Annonay, qui est notre biocoop référente un peu, qui nous soutient beaucoup. De la vente directe aussi ? On fait de la vente directe. Alors, on est une fois par mois, tous les premiers samedis du mois, sur le marché d'Annonay. Mmh. Et sinon, on passe par des AMAP. À Saint-Étienne, par exemple, je crois qu'il y a une AMAP en cours, mais là, j'ai pas le nom, car c'est pas moi qui m'occupe de ça dans l'entreprise. Et sinon, à Lyon aussi, on est dans quelques AMAP. L'arbre à légumes, par exemple. Voilà pour... Et une AMAP à Annonay aussi. Et sinon, il y a des restaurateurs aussi qui nous prennent. Et des traiteurs, voilà, puis qui ont envie de cuisiner le tofu et de proposer ça à leur carte. Voilà, des restaurants. AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, on le rappelle. Eh bien, en tout cas, merci, Julie. Bon vent pour les 400 graines, en espérant que vous puissiez vivre de votre activité très prochainement, puisque tu le disais, une année à éprouver un petit peu la chose et l'activité. Et on vous espère une bonne continuation. Le tofu en 1000 recettes possibles, et en jeu de mots notamment, vous avez tiré des belles petites cartes sérigraphiées. Oui. Tofu pas de ma gueule, tofu fourieux, tofu tagagoule, tofu le camp. Voilà. C'est beau, non ? Que de jeu de mots avec le tofu. Mais c'est parfait. Merci encore, Julie. Merci à vous. C'était les 400 graines. Est-ce qu'on va retrouver les mauvaises graines ? Ça serait une petite idée, je trouve. Peut-être que Nicolas va pouvoir nous sélectionner ça. Parce que Julie, en plus, tu n'avais pas connaissance de ces mauvaises graines, les seeds, qui est en fait la formation qui accompagne cet artiste fameux, international. Il s'agit de Nick Cave. Nick Cave et les Bad Seeds. Que l'on va pouvoir peut-être te faire découvrir avec cette proposition musicale-là. Radio Ondaine, Radio Duo, toujours en direct de Tatou Juste. Le temps que les choses se calent, c'est parti. Nick Cave et les Bad Seeds. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down, and I won't get down, and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by